Regardez Carnivore gratuitement le film 2018 sur Papistream en audio et vidéo de bonne qualité. Mais le temps passe, sans offre. Brock, elle est obligée de déménager avec sa petite sœur, Sam. Sam est juste son contraire, l'étoile brillante du cinéma français, vivant avec son petit ami et leur fils.